Chaque fois qu'elle revoyait son fils, il lui semblait qu'ils avaient été séparés pendant 10 ans. Il devenait homme de mois en mois. De mois en mois, elle devenait une vieille femme. Son père paraissait son frère, et tante Lison, qui ne vieillissait point, restée fanée dès son âge de 25 ans, avait l'air d'une sœur aînée. Poulet ne travaillait guère. Il doubla sa 4e. La 3e alla tant bien que mal. Mais il fallut recommencer la 2e. Et il se retrouva en rhétorique alors qu'il atteignit 20 ans. Il était devenu un grand garçon blond, avec des favoris déjà touffus et une apparence de moustache. C'était lui maintenant qui venait au peuple chaque dimanche. Comme il prenait depuis longtemps des leçons d'équitation, il louait simplement un cheval et faisait la route en 2 heures. Dès le matin, Jeanne partait au-devant de lui, avec la tante et le baron, qui se courbaient peu à peu et marchaient, ainsi qu'un petit vieux, les mains rejointes derrière son dos, comme pour s'empêcher de tomber sur le nez. Ils allaient tout doucement le long de la route, s'asseyant parfois sur le fossé et regardant au loin si on n'apercevait pas encore le cavalier. Dès qu'il apparaissait comme un point noir sur la ligne blanche, les trois parents agitaient leurs mouchoirs. Et il mettait son cheval au galop pour arriver comme un ouragan, ce qui faisait palpiter de peur Jeanne et Lison, et s'exaltait le grand-père qui criait « Bravo !» dans un enthousiasme d'impotent. Bien que Paul eût la tête de plus que sa mère, elle le traitait toujours comme un marmot, lui demandant encore « Tu n'as pas froid aux pieds, poulet ?» Et, quand il se promenait devant le perron, après déjeuner, en fumant une cigarette, elle ouvrait la fenêtre pour lui crier « Ne sors pas nu-tête, je t'en supplie, tu vas attraper un rhume de cerveau !» Et elle frémissait d'inquiétude quand il repartait à cheval dans la nuit. « Surtout, ne va pas trop vite, mon petit poulet, sois prudent, pense à ta pauvre mère qui serait désespérée s'il t'arrivait quelque chose. »